Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau Lire en Bulle. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seul derrière le micro, j'ai Dorothy avec moi. Bonjour à tous. Et on va faire notre tout premier, enfin, il va faire son tout premier Lire en Bulle. Ravi d'être là, comme sur les podcasts. Voilà, c'est ça. Donc pour ceux qui ont l'habitude sur le débat comics, Dorothy est un nouveau membre et c'est son premier Lire en Bulle. Mais bon, il commence à bien se débrouiller sur les débats comics et s'il faut, il en fera peut-être plus, qui sait. Oui, il faudrait que j'arrive à les faire tout seul aussi, les Lire en Bulle. À premier pour voir avec toi et après, on va se lancer solo à bout d'un moment. Ah, on va te retirer les petites roulettes au fur et à mesure, t'inquiète pas. Allez, donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler du manga Ongolmois, les chroniques d'une invasion mongole. Alors, c'est Meyen qui nous l'a envoyé il y a quelques jours, hein, il y a une semaine que je les ai reçus, il me semble. Et on les a dévorés, on voulait forcément parler parce que c'est un manga qui est très très bien. Donc, c'est un type seinen. Et ça a un genre que j'apprécie de plus en plus, c'est un genre historique. Je propose que je commence par lire le premier synopsis, le synopsis du premier tome, qui est en fait un très gros résumé du premier tome. Ça te va, Dorothy? Très bien, vas-y, je t'en prie. Allez, donc Jinzaburo Kushi, un samouraï de Kamakura, est exilé à Tsuima, où il est chargé par la fille du gouverneur, Terui, de défendre l'île des Mongols. Au lieu de la peine de mort, les proscrits ont reçu l'ordre de servir de pions sacrifiables. Ils doivent tenir 7 jours jusqu'à l'arrivée des renforts de Kyushu. Mais face aux armes et aux tactiques étranges des Mongols, le maître du clan So, Sukekuni, et son fils Umajiro se font tuer. Alors que tous étaient résignés à perdre, Jinzaburo apparaît seul sur le champ de bataille, vêtu d'une ancienne armure. Un grand danger arrive de la mer. Cette série fleuve avec de véritables éléments historiques représente avec un point de vue inédit les invasions mongoles qui ont secoué le Japon du Moyen-Âge. Alors, comme j'ai dit, ce synopsis résume très bien le premier tome. Après, c'est compliqué toujours de résumer les tomes d'après parce que on spoil très rapidement, mais on apprend très rapidement que Jinzaburo n'est pas seul sur l'île. Il n'y a pas que des Mongols, ils ont aussi des alliés et à un moment ou à un autre, ça va matcher et ils vont essayer de défendre l'île durant 7 jours contre les Mongols qui sont supérieurs techniquement et en nombre. De mémoire, ils arrivent quasiment 2000 sur Tsushima, et ce qui n'est pas le cas des Japonais qui sont que quelques centaines. Donc c'est très compliqué de les défendre. Dorothy, On l'oublie souvent, mais les Mongols étaient très en avance sur leur temps au niveau des termes technologiques. Ils avaient la poudre à canon, par exemple, ce qui peut amener un certain avantage tactique lors des phases de bataille, quoi, pour enfoncer les forteresses ou même défendre pour prendre des points stratégiques, quoi. Et ouais, t'as totalement raison, parce que la poudre leur a donné un avantage certain, parce qu'ils s'en servent comme grenade, je crois même un peu comme fumigène dans le troisième tome. Comme canon, tout simplement. Au moment, ils enfoncent un endroit où ils font de la résistance avec des palissades, avec des canons pour enfoncer à distance et pouvoir charger après avec les lances. Ouais, ils ont même, en fait, s'il n'y avait pas vraiment de paysage, ils ont utilisé un canon pour tuer un samouraï, donc c'est quand même moche. Ouais. Comme ça. mais voilà, bon, on ne va pas trop en dire là-dessus parce que ça serait spoil, on ne dira pas qui meurt et compagnie, mais voilà, donc je suis pas d'accord sur le synopsis. Jinzaburo Kushi n'est pas forcément un samouraï, c'est un ronin. Alors, la différence entre le samouraï et le ronin, tu le connais, Dorothy, ou pas du tout? Oui, un ronin, c'est un soldat 100 mètres. C'est un samouraï. Samouraï 100 mètres. Voilà, c'est la particularité. Alors que le samouraï, il est sous le joug d'un daimyo, s'il n'est pas de daimyo lui-même. Et donc, Shinzaburo a perdu ses droits de samouraï. On ne sait pas comment, malgré que ça commence à être un peu expliqué. Et enfin, ça a été expliqué. Si, ça a été expliqué au tome fin 5. Du 4, début du 5. Ouais, début du 5, mais bon, on va pas trop en dire pour spoiler, mais voilà, ouais, ça a été expliqué, mais voilà, c'est vrai que moi, Shinzaburo est un personnage très intéressant et apparemment très étayé sur certains documents que le mangaka Takagi Nanahiko a réussi à récupérer sur la bataille de Tsushima, parce qu'il a fait des véritables recherches pour bien y aller, et apparemment il aurait pris inspiration du manga quand il était parti sur cette fameuse île. Je te laisse éventuellement te faire ta petite critique. En termes de résumé, je pense que tu as quand même bien résumé ce qui se passait, sur quoi allait partir l'histoire, en plus du premier tome. Mais ouais, ce que j'aime beaucoup dans ce manga, en plus des dessins qui sont très beaux et qui arrivent très bien, enfin, on arrive à très bien ressentir la puissance des coups et des batailles, mais aussi des phases un peu plus stratégiques de nuit, c'est la vie courante. Enfin, la vie courante, même si là-bas, tout le manga se passe sur à peu près 7 jours. On voit aussi des phases de nuit où comment ils doivent chercher à manger, comment ils arrivent à s'occuper des vivres, de s'occuper des blessés. Ils y montrent des techniques médicales d'époque. Ça, je trouve très intéressant aussi, en plus d'apprendre plus sur l'histoire qu'on connaît très peu de Tsushima. On a aussi le côté des Mongols, donc on voit que c'est un ensemble de clans qui se battent ensemble, donc ils sont représentés différemment selon le clan auquel ils appartiennent. Et aussi, on peut voir que c'est un peuple très intelligent, en plus d'être en avance sur son temps, par rapport à leur stratégie de guerre et tout ce qu'ils utilisent comme les pièges, etc. Et ouais, non, t'as pas tort là-dessus, parce que on voit les stratégies, et on voit les stratégies du côté japonais comme les stratégies du côté mongol. Les japonais vont avoir plus une attitude de guérilla, même s'ils sont pas vraiment guerriers, ce sont des guerriers urbains théoriquement, mais ça va être vraiment des attaques éclairs de nuit, dans des impasses et compagnie, parce qu'ils sont sous-nombre et ils vont vouloir essayer de garder le plus de nombre possible tout en emportant le maximum de cadavres mongols avec eux. Et c'est vrai, c'est ce côté stratégique que j'ai beaucoup aimé et que ça m'a donné envie de ressortir mon plateau de shoujo chez moi. Ah, c'est vrai que c'est intéressant de voir une période historique qu'on ne voit pas à l'école, parce qu'on ne voit pas à l'école, on ne la voit pas, et on entend des fois parler dans les mangas ou dans les jeux vidéo, récemment avec le jeu vidéo Ghost of Tsushima sur PS4, mais c'est quand même toujours intéressant de voir comment ça s'est passé, comment ils sont défendus, même si ce n'est pas totalement vrai, puisque ce n'est pas 100% historique. Et surtout, ce qui est intéressant de voir aussi avec quels moyens techniques, quelles sont les armes qu'ils avaient à l'époque, comment ils ont pu faire des armes de fortune à certains moments pour s'adapter et essayer de défendre alors qu'ils étaient clairement en sous-nombre. Et ouais, non, honnêtement, même si tu vois, ça n'est pas un truc 100% historique, on sent vraiment que le mangaka fait l'effort de se renseigner au maximum sur l'histoire. Et il me tarde de continuer et de voir la fin. Surtout, je ne sais pas si on l'a dit, mais au Japon, Angoulême est en 10 tomes et c'est terminé. En France, il y a le sixième qui vient d'arriver et voilà. Donc c'est vrai qu'il me tarde de voir que ça continue, mais je pense que ça va pas bien se finir. Faut pas se mentir. J'en dirai pas plus parce que je me suis un peu renseigné sur l'histoire de Tsushima. Je la connais, donc je vais rien te dire. Je te laisserai découvrir. Donc voilà. Du coup, j'en dirai pas plus. D'accord. Alors, dernière petite information. Donc, comme je disais, il n'y a que 6 tomes qui est sorti en France chez Meian. Mais pour ceux qui veulent se renseigner, donc il y a Wikipédia comme Dorothy. Mais si vous voulez, vous pouvez également vous spoiler allègrement avec l'anime Angoulême, qui était sorti pendant l'été 2018 et qui est trouvable sur Crunchyroll. D'accord, je ne savais pas qu'il y avait un anime, tu vois. J'ai ouais, temps, je vais le regarder en attendant que les tomes ils arrivent. Après, quand je me dis que je m'étais spoil, c'est que je me suis spoil la véritable histoire de la raison. Eh, hey, je m'en fous, tu t'es fait spoil quand même. donc voilà, donc l'anime est qu'en 12 épisodes, donc voilà, ça peut être une bonne solution pour vous si vous avez envie de vous spoiler. Je te laisse le mot de la fin. Enfin, le mot de la fin, oui, pour moi, c'est un très beau manga dans une très belle édition. Meian nous offre des mangas très beaux, avec des belles couleurs, assez simples mais très efficaces, avec une œuvre très intéressante, très, très bien basée en termes historiquement ou en termes de bataille. Il y a des planches magnifiques, double planche. On ressent bien la puissance et l'aura des personnages et les violences des batailles au fur et à mesure qu'on lit. On ressent pas mal d'émotions quand on lit, quand on apprend un peu plus sur les origines des personnages ou quand certains personnages meurent, aussi bien dans le clan des Japonais que des Mongols. Pour moi, c'est un manga que j'ai hâte de découvrir la suite et la fin. Et que dire après tout ça? Je suis assez d'accord avec Dorothy, c'est un excellent manga qui nous apprend beaucoup de choses. En ce moment, c'est un peu mon cœur de la bataille, c'est trop après... le thème slice of life que j'aime beaucoup. J'aime également les mangas historiques, donc ça existe déjà chez Meian avec Kingdom, chez des autres concurrents ça existe par exemple chez Kayun avec La Reine d'Égypte, Isabella Bird pour Ice Stories, et voilà. Après, le gros point fort de ce manga, c'est le rythme. Ils doivent tenir 7 jours. Donc, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Il n'y a eu qu'un seul tome de transition, c'est le 5e, et je pense que ça fait du bien parce que ça va nous amener directement sur le finish qui va être exceptionnellement bon. La série est en 10 tomes, donc ça ne coûte pas grand-chose pour l'avoir. Hein. Grosso modo, ça vous coûte 70€ pour l'avoir au complet quand elle sortira au complet. Et puis voilà, je suis vraiment fan et il me tarde vraiment de découvrir le reste. Sur ce, ben, je pense qu'on en a terminé, on a tout dit. Je vais vous souhaiter à toutes et tous une bonne soirée ou une bonne journée. Et puis on se retrouve très bientôt dans un nouveau Lire en Bulle ou un nouveau débat comics. Bonne journée et bonne soirée à toutes.